chose funeste à Vérone. Terminal d'une histoire, début d'une fin. Bon an sur Fausdon, regarde où cela te mènera-t-il pour demain. Tu sais, on ne vit pas de souvenirs, on en pleure, on en souffre jusqu'à en finir. Tu sais, on n'écoute plus ton rire, plus de rêves d'idéaux. Voudrais-tu mourir, Roméo? Roméo. Pourras-tu encore te lever? Où resteras-tu encore en berne? Car les rêves se transforment toujours en cauchemar, les pages se tournent et les livres se ferment. Le veux-tu encore vraiment y croire? Que viendras-tu sans elle, Roméo? Que resteras-tu? Peut-être un mémoire et des sanglots. Et dis-toi, pour assouvir nos